émission autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. À défaut de pouvoir vous prédire l'avenir et vous dire s'il va neiger ou pas à Noël, je vous tiens informé des actualités locales, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Je suis actuellement dans nos studios, vos studios, avec Alain. Alain, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots nos auditeurs ? Eh bien, je suis Alain, je suis le président de l'association La Médiévale. Nous sommes une association de spectacle médiéval. Quel est votre parcours au sein de l'association ? Est-ce que vous avez toujours été le président ? Je suis le président depuis le début. On a été créé en novembre 2018. On est une toute jeune association. Et depuis là, j'ai toujours été le président de l'association depuis le début, quoi. On a été 9 membres fondateurs au départ. On a eu quand même 2 ans de Covid où il ne s'est rien passé et actuellement on est 41. En quoi consiste votre rôle au sein de l'association ? Alors mon rôle est justement un peu de gérer l'ensemble de l'association. Nous sommes 3 groupes dans l'association, mais on travaille tous ensemble. Donc on fait de la danse médiévale, du combat médiéval et du tir à l'arc. On fait beaucoup d'initiations au tir à l'arc lors de nos manifestations. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Ah, toujours en équipe, hein. C'est, si vous voulez, la médiévale, c'est une grande famille. On travaille tous ensemble, rien ne se fait sans l'accord de tout le monde. Quelles sont les différentes tâches qui vous sont attribuées au sein de l'association ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je gère surtout ce qui est administratif. Je gère beaucoup tout ce qui est recherche de manifestations. C'est moi qui fais les devis pour les manifestations et qui met plus ou moins en scène les différents spectacles de l'association. Je suis également danseur, je suis combattant et un petit peu archer, mais ça c'est très petit. C'est quoi archer ? Alors les archers, on fait du tir à l'arc d'instinct. C'est du tir à l'arc de loisir et on essaie de rester dans le modèle médiéval avec des arcs de type médiévaux si possible. Mais pour les initiations des gens, on a des arcs classiques pour leur apprendre à tirer à l'arc. La première fois que j'ai tiré à l'arc, c'était à la fête foraine et j'ai failli tirer dans le pied du forain. Du coup, il m'a dit va-t'en. C'est ce qui arrive souvent. Hein. C'est pas évident, le tir à l'arc n'est pas un tir d'instinct. Et il faut s'initier, il faut apprendre. Hein. C'est comme tout, ça s'apprend. Et nous, dans notre troupe maintenant, ce qui est très rare dans le médiéval, on inclut tous nos archers dans nos combats. C'est-à-dire qu'on se fait tirer dessus par les archers. Mais c'est assez dur en fait, parce que l'élastique, il faut vraiment le tirer vers l'arrière et ça fait mal aux épaules, je trouve. Alors, ce n'est pas un élastique, c'est une corde. Et il faut vraiment le tirer, c'est ce qu'on appelle bander l'arc. Et c'est vraiment un effort qui est assez considérable, suivant la puissance de l'arc. Et surtout, mettre la flèche bien au milieu, parce que des fois, ce n'est pas facile à l'accrocher. Non, ce n'est pas évident. Et surtout sur les arcs médiévaux, où il n'y a pas de support pour les flèches, c'est la main qui sert de support. Donc, ce n'est pas évident du tout. Et quelle est la distance pour toucher la cible ? Alors nous, on fait surtout des tirs en initiation, hein. On fait du 10 à 12 mètres. Mais là, ce week-end, on a eu l'occasion de faire du tir longue distance. On a fait du tir à 160 mètres. Est-ce que vous mettez des bottes de paille derrière ? Parce que j'ai vu que des fois, il y a des bottes de paille derrière la cible. Alors la plupart du temps, ce sont des cibles en paille tressée. D'accord. Et on peut mettre des bottes de paille aussi également derrière. Ça évite de casser des flèches. Et depuis quand vous êtes découvert une passion pour le tir à l'arc ? Alors le tir à l'arc, c'est tout frais. Hein. Ça fait qu'un an maintenant que nous avons du tir à l'arc dans l'association. Ce sont des amis qui sont des archers depuis très longtemps, qui ont fait de la compétition, qui m'en ont parlé, qui m'ont tout doucement donné le goût de l'arc. Est-ce que vous faites aussi de la compétition ? Non, pas du tout. Non, nous ne sommes pas une troupe où on cherche à faire la compétition. Avant tout, nous, c'est le loisir. On s'amuse avant tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs ? Alors, mes collaborateurs, ce sont des gens magnifiques. Ce sont des vrais amis. C'est une grande famille. On a le bureau hein, qui fait beaucoup de travail, hein, la secrétaire qui a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à faire à côté avec moi, qui m'assiste au maximum. On a notre trésorière hein, qui a beaucoup de travail à faire, puisque La comptabilité doit quand même être tenue correctement, même si on n'est qu'une petite association et qu'on ne fait pas des bénéfices. Mais bon, il faut faire attention à tout ce qui rentre et à tout ce qui sort, à gérer tout cela. Donc là, il y a énormément de travail aussi. Et comme nous, on fait des demandes de subventions, il faut qu'elles soient clean, notre comptabilité. Donc c'est un travail très important. Alors nous avons une connaissance commune, justement, c'est Yannick, on l'embrasse. Yannick, tout à fait, un gros bisou à Yannick, oui, qui est notre trésorière. Et qui nous a mis en contact. Exactement, et tout à fait. Et je la remercie. Et moi également. Alors nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, avant de parler de la période médiévale. Et on se retrouvera juste après, à tout de suite sur Radio Gemozo. Nous voici de retour avec Alain pour parler de l'époque médiévale. Alors j'ai fait des recherches sur internet pour trouver que l'adjectif médiéval est utilisé pour désigner le Moyen-Âge. Après j'ai fait d'autres recherches et j'ai trouvé ceci. Le Moyen-Âge est la période de l'histoire européenne qui s'étend de la fin de l'Empire romain au 5e siècle, au début de la Renaissance. C'est aux environs du 15e siècle, début 15e. On le délimite souvent par la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, même si traditionnellement les historiens préfèrent la date de 1453 avec la chute de Constantinople et la fin de la guerre de Cent Ans pour la fin du Moyen-Âge. Les historiens distinguent généralement deux périodes, le haut Moyen-Âge du 5e siècle au 13e siècle, le bas Moyen-Âge ou le Moyen-Âge tardif du 13e siècle au 15e siècle. Alors quand on cherche une définition sur Internet, on a un pavé à lire de je ne sais combien de pages et bien souvent, on n'a rien compris. Du coup, chers auditeurs, je propose à Alain de nous parler du Moyen-Âge. Alors je suis persuadée qu'avec ces mots, tout nous semblera plus clair. Alors Alain, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Le Moyen-Âge, c'est une période, comme vous avez dit, qui commence assez tôt. Nous, dans la troupe, le Moyen-Âge, on le commence aux années 900. 900 à peu près, ça démarre vraiment aux années 500. Et ça va jusqu'au fin 14e. Nous, on va jusqu'au 13e, début 14e. On démarre, nous, c'est les Vikings. Les Vikings, qui est une grande mode actuellement, avec les séries qui passent à la télévision. Quand on se plonge dans la vie des Vikings, on voit que vraiment la télévision, c'est du surfait et c'est vraiment du cinéma. Nous, on s'en inspire dans la troupe parce qu'on est une troupe de spectacle. Donc, on est historiens, mais pas des vrais historiens. On améliore pour que les gens puissent apprécier ce qu'on fait. Parce que si on reste sur l'histoire pure, c'est très très difficile. Ensuite, on passe par ma période à moi, qui est la période des Templiers. Mmh. Je suis un grand passionné des Templiers, c'est de là qu'a commencé l'association. Et ensuite, on va sur le 13e, sur les paysans et les seigneurs du 13e. Nos danseurs sont plus dans des costumes paysans du 12e et on a quelques seigneurs qui sont du 13e. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette période de l'histoire ? À moi, personnellement, ce sont les Templiers, c'est le grand mystère des Templiers, c'est une grande histoire, c'est beaucoup de mystères. Et c'est ma passion première, c'est ce qui a fait que l'association a démarré. Après, moi j'aime bien tout ce qui est historique et j'aime bien tout ce qui est viking également, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des passionnés de cette période-là qui sont dans la troupe et qui m'en ont parlé beaucoup et c'est vraiment très passionnant. Et tout ce qui est après, le Moyen-Âge après, qui est très très intéressant aussi. C'est la vie au Moyen-Âge tout court qui me plaît. Et les Templiers, ce n'était pas des chevaliers religieux ou quelque chose comme ça ? Alors les Templiers, ce sont une milice. Les Templiers ont été créés, ont commencé en 1119. La première milice qui a été créée, ce sont les pauvres chevaliers du Christ. Ça s'appelait comme ça. Les pauvres chevaliers du Christ, qui est une milice qui a été créée par des seigneurs croisés, qui bien sûr n'avaient plus la guerre à faire à cette période-là, puisque Jérusalem avait été conquis. Mais les pèlerins se faisaient attaquer. Et ces seigneurs ont dit, on va créer une milice pour protéger les pèlerins qui viennent à Jérusalem. Voilà comment a démarré l'époque des Templiers. Et l'ordre des Templiers a été créé en 1129. Il n'y a pas une histoire de trésor des Templiers ? Alors, l'histoire du trésor des Templiers, qu'est-ce que le trésor des Templiers ? Est-ce qu'un trésor physique ? Est-ce que c'est autre chose ? C'est très très mystérieux. L'époque des Templiers est très mystérieux. Ce sont des grands commerçants. Ce sont devenus de grands commerçants suite aux biens qu'ils ont reçus en don par les seigneurs qu'ils ont protégés. Et ils étaient très très riches. Les Templiers ont créé les billets d'ordre. C'est le premier chéquier. C'est eux qui l'ont créé. Donc la vie des Templiers est très très mystérieuse. Tout comme le Saint Graal. Qu'est-ce que le Saint Graal ? Allez savoir. Ah, c'est l'époque de Lancelot, tout ça, non ? Lancelot, ce sont des légendes. les Templiers, c'était quand même censé être les lords qui protégeaient le Saint Graal. Mais les Vikings, c'est pas un peuple scandinave à la base ? À la base, les Vikings sont un peuple scandinave, un grand peuple de conquérants, puisque les Vikings, à la base, ce sont des paysans de chez eux, des Scandinaves, qui, pendant les périodes hivernales où ils ne pouvaient rien faire chez eux, ils partaient conquérir le monde, on va dire ça comme ça, et puis ils faisaient des raids pour devenir riches. Donc, ils pillaient tout et puis ils revenaient avec des trésors. qu'ils avaient dans les villes qu'ils avaient pillées. C'est quoi des croisades ? Alors les croisades, ça c'est tout à fait autre chose. Les croisades, c'est une grande histoire. Il y en a eu plusieurs, des croisades. Et les croisades, ce sont à la base les seigneurs français, les seigneurs européens et chrétiens qui sont allés conquérir les terres saintes. Voilà. Alors qu'est-ce que vous évoque le Moyen Âge ? Moi, c'est une période qui est très enrichissante pour moi. Il y a eu une grande évolution qui a été faite pendant ces périodes-là, puisque l'armement a évolué. Comme tous les enfants, j'ai été, moi aussi, quand j'étais jeune, passionné par les chevaliers et puis les princesses et tout ça. Et nous, maintenant, adultes, on réalise ce rêve d'enfant. Si vous ne pouviez choisir que trois mots qui définissent le Moyen-Âge, pour moi, ça serait princesse, chevalier et château. Et vous, Alain, ça serait quoi ? Alors, pour moi, c'est bonne pitance. Avant tout, les breuvages n'étaient pas très bons, mais on va dire bonne pitance, grand seigneur et chevalerie. Ah oui, les histoires de cap et d'épée. Voilà, c'est pour ça qu'on fait du combat et on essaie de réaliser un petit peu nos rêves d'enfant. Alors, est-ce que vous aimez les histoires de cap et d'épée et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, les histoires de cap et d'épée, j'ai toujours aimé ça depuis mon enfance. J'ai toujours aimé ce genre de film ou d'histoire. Mais j'ai réalisé très, très vite que tout ce qu'on nous montrait, ce que j'avais appris, ben, c'était pas vraiment forcément ce qui se passait là-bas. Hein, c'était beaucoup plus dur, beaucoup moins enjolivé que ce qu'on m'a appris. Quel est votre livre favori ? Mon livre favori, Le secret des Templiers. Et c'est quoi l'histoire ? Alors, c'est une histoire un peu sur ce qui s'est passé. Pendant la période des Templiers et les soi-disant secrets qu'il y avait à cette époque-là, notamment le Saint Graal, notamment le trésor des Templiers, ce genre de choses. Quel est votre héros favori, que ça soit littéraire ou dans un film ? Mon héros. J'ai actuellement, c'est vrai que j'ai eu une période où Ragnar Lodbrok, le grand Viking, son histoire m'a beaucoup plu. Ragnar, c'est pas dans la série Viking, ça aussi ? Tout à fait. Alors, quel est votre film favori ? Mon film favori ? Je suis pas vraiment amateur de films. Je regarde pas beaucoup de films. Je regarde surtout des séries. Actuellement, je peux pas vous dire ce qui me plairait vraiment, non. Alors, quand on me dit médiéval, moi, je pense aux visiteurs, des toutes petites parts du Moyen-Âge. Mais les visiteurs, il y a des petites choses dedans qui sont réelles, qui sont des expressions qui sont de là-bas, qui sont bien, qui montrent ce que c'était exactement là-bas, à l'époque. Comme s'appuyer ou quand ils disent les gueux. C'est ça, tout à fait. Hein. Moi, j'ai un terme quand j'interpelle les gens. C'est gentedame, gentilhomme, damoiselle, damoiseau et seigneur zigueux. Voilà, c'est un peu comme ça que j'interpelle les gens quand je les appelle à venir voir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'une fête médiévale ? Une fête médiévale, donc, c'est une fête sur le thème médiéval. Où on va voir des troupes médiévales qui vont faire leur spectacle. Donc vous avez des spectacles équestres, vous avez des saltimbanques, vous avez des comédiens équestres qui vont faire du théâtre médiéval. Vous avez des troupes comme la nôtre qui vont faire un campement, qui vont vous expliquer la vie à l'époque médiévale. Et qui vont vous expliquer un peu tout ce qui se passe, l'armement, le tissage, nos archers qui vont expliquer l'évolution de l'archerie. On a même au sein de notre troupe notre guérisseuse qui fait des petites potions pour les différents petits bobos. Voilà, et puis qui va expliquer aussi toutes les herbes médicinales qu'il y avait à l'époque. Voilà, une fête médiévale, c'est ça, c'est se plonger au Moyen-Âge et rêver un petit peu, quoi. Est-ce que Yannick participe aux événements ? Mais bien sûr, Yannick participe à nos événements. Elle a son costume qu'elle a fait elle-même aussi. Hein, et que, comme la plupart des personnes de notre troupe, hein, toutes les femmes et filles de la troupe font beaucoup de couture. Elles vont jusqu'à faire l'étoile de nos tentes médiévales. Hein, et nous, les hommes, eh ben, on fabrique tout ce qu'on peut fabriquer, les éléments en bois pour le campement, nos boucliers. On fabrique nous-mêmes nos boucliers aussi. On n'est pas encore capable de fabriquer nos lames, mais on espère pouvoir un jour le faire. Alors, c'est quoi les ménestrels ? Les ménestrels. Alors, les ménestrels, c'est déjà... c'est plus le Moyen-Âge, les ménestrels. Les ménestrels, c'est déjà... On est déjà dans la période Renaissance. On avait les troubadours. Les troubadours, ou suivant la région, c'était le troubadour ou le trouvère. C'était la même chose. Et c'est eux qui racontaient un peu tout ce qui se passait. C'était un peu comme le journal. C'est eux qui racontaient, par leur narration et leurs chansons, ce qui se passait dans les différents secteurs, chez les différents seigneurs. C'était un peu le journal de l'époque. Et au Moyen-Âge, il y avait le fou du roi ou pas ? Il y avait le fou du roi, ça existait. Les fous du roi ont existé et ils étaient chargés de distraire le roi. Et surtout, de goûter la nourriture du roi aussi avant qu'il mange. Ah bah si, c'était pour voir si c'était pas empoisonné ? Tout à fait. Et il se passait quoi si le roi il n'était pas amusé par le fou du roi ? Ah ben, il était sanctionné et des fois très sévèrement. Et surtout, comme on disait hors antenne, c'était assez cruel au niveau des tortures, au niveau médiéval. Au niveau médiéval, oui, ils ont eu des tortures qui étaient très atroces. Oui. C'est une période où on était un peu nos limites sur ce genre de choses, quoi. C'est quoi les saltimbanques ? Est-ce que ça existait au Moyen-Âge ? Le saltimbanque, c'est un peu comme le ménestrel. C'est celui-là qui va amuser les gens, qui va raconter les histoires, qui raconte. C'est comme je vous ai dit, c'est un peu le journal de l'époque. C'est eux qui à travers le pays, racontaient ce qui se passait de région en région. C'est quoi des joutes ? Alors les joutes, ce sont des combats entre seigneurs. Ce sont deux seigneurs qui vont s'affronter à cheval, l'un en face de l'autre avec des lances. Et c'était quoi le but de faire ça ? C'était pas le but de conquérir le cœur d'une princesse ? Ou j'ai trop regardé de films à l'eau de rose ? Alors, des fois, il arrivait que ce soit au nom de la jeune fille du seigneur des lieux pour qu'elle puisse se trouver un mari. Mais bien, la plupart du temps, c'était pour montrer sa force, montrer qui était plus fort que l'autre. Pourquoi elles jetaient leurs mouchoirs par terre ? Elles jetaient leurs mouchoirs par terre, c'était... Elles le jetaient envers leur préféré, le seigneur qu'elles préféraient. Et s'ils le ramassaient, ils joutaient pour cette jeune femme. Il y avait des barons, des comtes, c'est ça ? Ah oui, bah, il y avait des ducs, il y avait de tout ça, tout cela. Hein, c'est vraiment une hiérarchie seigneuriale qui fait que ça se faisait, ça montrait leur grade au niveau du pays. Et surtout à table. Le seigneur du lieu était en milieu de table. Et après, à côté de lui, il y avait la hiérarchie la plus directe. Et ça allait en diminuant jusqu'au dernier petit chevalier qui était à l'autre bout de la table. Est-ce qu'ils avaient des terres ? Alors des terres, les grands seigneurs en avaient. Hein, et... Après, suivant leurs moyens, ils pouvaient en donner à leur seigneur ou non, suivant les terres qu'ils avaient. Mais leurs terres étaient, elles, exploitées par les paysans qui payaient une dîme. D'accord. Il n'y avait pas un impôt sur le sucre aussi, quelque chose comme ça ? Je sais qu'il y avait des impôts particuliers. Il y avait des impôts très particuliers. Le sucre était un moyen de paiement. Ah oui ? Parce que c'était une richesse. C'était le sel, le sucre étaient des choses qui étaient très très chères à l'époque. Bah, à l'heure qu'il est, avec tous les sodas, tout ça, on serait tous riches. Exactement. Mais on a un truc qui s'appelle le pouvoir d'achat qui fait que... Exactement, ce qu'il n'avait pas à l'époque. Hein. C'est le seigneur qui gérait un peu le pouvoir d'achat. Hein. Nous allons faire une nouvelle pause musicale avant de parler de l'association Médiéval 88. À tout de suite sur RGM. Thank you. Nous revoilà sur nos ondes avec Alain pour parler de l'association Médiévale 88. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis midi et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107FM, notre site internet ou par les applications mobiles Orange Radio et Radio Line. Nous pouvons être également avec vous H24 via la plateforme Deezer. Alors Alain, c'est quoi l'association Médiévale 88 ? L'association Médiévale 88 est une troupe de spectacle médiéval qui fait de la danse, du combat et du tir à l'arc. Ah, j'avais une question que je voulais vous poser juste avant, c'est quoi le temps des croisades ? Le temps des croisades sont un temps où les seigneurs européens sont partis au nom du pape conquérir les Jérusalem, voilà. C'est des guerres saintes, en fait. Ce sont des guerres saintes, tout à fait, ce sont des guerres saintes. Beaucoup de guerres à l'époque étaient, d'ailleurs la plupart des guerres à l'époque, étaient des guerres religieuses. Alors pourquoi ce nom, la Médiévale 88 ? La Médiévale 88, parce que nous sommes une troupe médiévale, c'est-à-dire que notre période à nous, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on commence aux années 900 jusqu'aux fins 1300. On commence avec les Vikings, les seigneurs, les paysans de l'époque médiévale. Et elle se situe où l'association ? L'association se situe à Vaxoncourt. Est-ce qu'il existe d'autres associations médiévales ? Ah oui, il y en a plusieurs en Lorraine. Hein. Il y a plusieurs associations médiévales qui existent en Lorraine. Hein. Nous sommes notamment très amis avec une association de Briey qui vient nous rejoindre de temps en temps quand on fait des manifestations. Est-ce que vous vous réunissez parfois entre vous ? Alors ça nous arrive souvent de se réunir. D'ailleurs, il faut qu'on fasse des réunions pour préparer nos spectacles. On s'entraîne régulièrement. On s'entraîne à peu près une fois tous les 15 jours. On a des entraînements pour se préparer, hein, et puis parce que tout ça ne se fait pas simplement. Les combats, c'est quand même très violent. Il faut bien se préparer et bien s'entraîner pour ça, quoi. Vous nous parliez hors antenne d'un film, c'est ça, avec votre association ? Alors, c'est quoi l'histoire ? On a été contacté il n'y a pas longtemps par un jeune cinéaste qui fait un film à thème médiéval. Et il avait besoin d'une troupe pour faire des combats médiévaux pour son film. Et avoir une vie de campement médiéval. Il nous a demandé si on pouvait faire ça pour lui. Et ben, le week-end dernier, nous sommes partis, nous étions 15 de la troupe à partir pour faire ce campement. On a monté un campement médiéval et on a fait des scènes de combat médiévaux pour ce film. Vous m'aviez parlé aussi d'un metteur en scène. Oui, alors un metteur en scène, donc je travaille moi pour la plupart de nos spectacles, notamment un spectacle qu'on prépare, une journée médiévale que l'on prépare pour l'année prochaine, le 28 mai de l'année prochaine, donc 2023, à Vaxoncourt. Nous avons avec lui travaillé sur la fête médiévale de Vieux-Châtel, de la forteresse de Vieux-Châtel, le 5 et le 6 juin. Donc c'est un ami qui est metteur en scène et avec qui je mets en scène tous nos spectacles. Combien est-ce que vous avez de bénévoles et d'adhérents dans votre association ? Alors actuellement, nous avons 41 adhérents. Quelle est leur moyenne d'âge ? Oh, pardon. La moyenne d'âge, ça commence le plus jeune à 19 ans, ça se termine à 73 ans. Ah oui, oui. C'est varié. Ah oui, c'est très très varié. Quels sont leurs rôles au sein de l'association ? Alors, tout le monde a plus ou moins un rôle, tout le monde a plus ou moins un personnage. Et une partie, certains, ça a été le début de notre association, sont des danseurs, d'autres sont des combattants et d'autres sont des archers. Nous avons actuellement beaucoup d'archers, nous avons une dizaine de combattants, une douzaine de danseurs et certains des danseurs sont également des combattants. Alors, comment on peut devenir bénévole dans l'association La Médiévale 88 ? Eh bien, tout simplement, c'est venir nous voir, discuter avec nous, nous montrer que vous êtes aussi passionné que nous, et puis après, ça se fait tout seul, quoi. Y a une adhésion à payer, bien sûr, mais c'est vraiment très, très minime chez nous, c'est pas grand-chose. Est-ce que vous avez déjà porté une armure ? Oui, au combat, on porte une armure. Alors, On reste dans le 13e, hein, parce que les armures complètes, entièrement métalliques, c'est plus dans la Renaissance. Donc nous, on porte ce qu'on appelle le gant bison, qui est une grande veste matelassée, qui est la première protection, et qui est la plus simple des protections, et celle qu'avait la majeure partie des guerriers à l'époque. Ensuite, au-dessus, on a la côte de maille qui vient par-dessus, et quelques pièces métalliques, comme le gourgerin, les protections d'épaule, les protections de bras, les protections de mains qui sont plus métalliques, quoi. Est-ce que vous portez des haumes ? Ah oui, on porte un haume pour le combat, des haumes, des casques qu'on appelle les casques nasales, ce sont les casques que portaient les Templiers, les casques à lunettes que portaient les Vikings, des haumes des chevaliers pour se protéger la tête, puisque un coup d'épée, ça peut vite glisser et puis partir sur la tête, donc il faut qu'on soit protégé. Est-ce que c'est lourd une armure ? Alors, les combattants portent entre 25 et 35 kilos sur leurs épaules pour un combat. Ah oui. Voilà. Et c'est, quand on enlève une côte de maille, c'est le rêve de la plupart des femmes, c'est perdre 17 kilos en quelques secondes. Et du coup, pour faire les joutes, il faut savoir monter à cheval. Oui, donc là, en spectacle équestre, on n'a personne pour le moment. Je suis le seul cavalier. On est deux cavaliers dans la troupe. Je suis le seul à avoir un cheval pour le moment. Mais je suis en pourparlers avec des jeunes cavaliers et des jeunes cavalières pour pouvoir commencer à faire un spectacle équestre. Et du coup, vu que l'armure est lourde, ça ne doit pas être facile de tenir en équilibre sur le cheval. On n'a pas tendance à partir un peu à gauche ou à droite. Alors, quand on joue à cheval, on ne porte pas l'armure vraiment. Ce n'est pas comme dans les films. Nous, on ne la porte pas. Quand on fait un spectacle équestre, on met le minimum sur nous. Mais la protection, c'est le bouclier et surtout un haume pour protéger la tête, quoi. Et l'arme qui est utilisée pour la joute, c'est quoi ? Ce sont des lances, de grandes lances en bois. Et elles font combien de mètres ? Elles font 3 mètres de long. Et le but de la joute, c'est de faire tomber l'adversaire, non ? Oui, voilà. Avant, après, c'était de l'achever. Et après, de l'achever à l'épée. Quelle cruauté ! Eh oui, mais c'était comme ça au Moyen-Âge. Hein. C'était le plus fort qui gagnait. Alors, nous allons faire une dernière pause musicale avant de parler de l'actualité et de votre association. À tout de suite sur Radio Gémozo. retour avec Alain via le 107FM. Alors à la base, je vous avais invité pour parler d'un événement qui devait se passer le 10 septembre. Alors ça a été annulé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors ça a été annulé pour faute de réservation insuffisante. Voilà, tout simplement, puisque les réservations ne suffisaient pas à payer le repas que l'on offrait à ces gens-là. Donc voilà, on s'est tout simplement annulé à cause de ça. Et ce n'est que partie remise. On a encore d'autres projets et beaucoup de choses vont se faire. Vous aviez prévu quoi du coup ? Et pour ce repas, on avait prévu deux cochons à la broche avec du chou et des entrées de crudités et en dessert des poires à l'hypocrase. Oui. Vous avez prévu quoi prochainement, à la base, pour remplacer ? Alors, pour le remplacer, là, on ne le remplacera pas avec quelque chose. On a d'autres animations de prévues. On sera, pour les journées du patrimoine, on sera à la forteresse de Châtel-sur-Moselle l'après-midi. On fera des démonstrations de danse, de combat et des initiations au tir à l'arc. Donc on y sera le 17 et le 18 septembre, de 14h à 18h. C'est quoi la différence entre une forteresse et un château ? Alors une forteresse, c'est une fortification militaire. Et un château, c'est le lieu où vit le seigneur. Combien de fêtes médiévales vous organisez par an ? Le fête médiévale, alors c'est très aléatoire. On a quand même eu 2 ans de Covid où on n'a rien pu faire du tout. On redémarre seulement. On a fait la fête médiévale de Châtel-sur-Moselle. On a participé à 2-3 petites manifestations à côté. Mais là, actuellement, on a en prévision 4 fêtes médiévales pour l'année prochaine dans différents secteurs en Lorraine. Mais là, je ne peux pas vraiment dire exactement où, parce qu'on va plutôt attendre que ce soit signé. Et on a, nous, une journée médiévale que l'on va faire, que nous, on organise, nous, la médiévale, avec le soutien des associations de Vaxoncourt. On va faire une journée médiévale qui va expliquer la vie d'un jeune couple de paysans au Moyen-Âge. Ce sont 6 petites scénettes tout au long de la journée qui vont expliquer la vie de ce jeune couple, avec des animations médiévales tout au long de la journée sur le site. Est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs lors de vos manifestations ? Alors, ça dépend du type de manifestation. Châtel, ça a été, sur les 2 jours, 4700 visiteurs payants. Ah oui ? Oui, voilà. Donc, voilà, c'est suivant la fête qu'il y a et la pub qui est faite pour, quoi. Alors, quels sont leurs profils ? Est-ce que ce sont des passionnés comme vous ? Alors, la plupart du temps, ce sont beaucoup de passionnés. Après, ce sont des visiteurs, des gens qui viennent voir ce qu'on fait, qui sont curieux de voir ce qu'on fait et qui aiment en général ce qu'on fait, qui repartent vraiment, qui viennent se plonger un peu dans la période médiévale et puis qui sont assez contents. Ça plaît beaucoup aux enfants. On a beaucoup d'animations pour les enfants. Notamment, notre nouvelle animation à nous, c'est la catapulte à bonbons. Ah oui. Voilà. C'est notre nouveau petit projet et c'est vrai que on les met en armure, les enfants, on leur fait essayer les armures, on leur fait tenir les épées, on les initie au tir à l'arc, on les fait tirer à l'arc. C'est bien parce que garder l'attention des enfants permet que les parents restent sur place. Vous m'avez montré des photos en antenne. Vous avez un cascadeur dans l'association ? Alors, dans l'association, nous avons... Ce n'est pas un cascadeur, c'est notre voltigeur. C'est lui qui nous fait les plus belles figures au combat et qui fait de très belles chutes et de très belles voltiges. Merci à lui, à Quentin, tu te reconnais. C'est quoi l'histoire de la forteresse de Châtel ? L'histoire de la forteresse de Châtel, eh ben, c'est quand même le domaine des ducs de Lorraine. Ce sont les ducs de Bourgogne qui vont faire ça aux ducs de Lorraine, notamment Thibaut IX, duc de Lorraine, qui a géré la forteresse de Châtel-sur-Moselle. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, tout simplement par téléphone ou par mail à notre association. Alors, je ne sais pas si je peux donner mon numéro de téléphone à l'antenne. Si. Si, donc c'est au 06 83 26 47 46, qui est mon numéro personnel. Donc Alain Capella, le président de l'association La Médiévale, ou tout simplement par mail à lamedieval88@gmail.com. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux ? Ah, tout à fait. Hein. Sur Internet, on nous retrouve sur Facebook, La Médiévale 88, où vous verrez un peu, vous aurez des photos un peu de tout ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à nos auditeurs ? Eh bien, nous sommes à la recherche de bénévoles qui veulent bien venir au sein de l'association, passionnés par le médiéval. On a besoin de danseurs, de combattants et puis d'archers aussi, quoi. Donc venez nous voir, rien ne vous empêche de faire un petit tour chez nous à la médiévale. Vous m'appelez avant, je vous dirai quand on fait les entraînements, venez voir ce qu'on fait et on discutera ensemble. Il y a une arme qu'avaient les chevaliers, mais je ne sais pas si ça fait partie du Moyen-Âge. C'est une sorte de boule avec des pics qu'on lance comme ça, c'est quoi ? Une masse d'armes. Une masse d'armes, oui. C'était une de leurs armes, qui était une arme très, très redoutable. Et c'était utilisé aussi pour les joutes, non ? Ah non, non, non, non, non. Aux joutes, on avait les lances, et puis après, bon, on s'est terminé à l'épée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Alain ? Eh bien, beaucoup de... que la médiévale perdure et qu'elle ait beaucoup de gens qui l'accueillent prochainement. D'accord. Alors, cette émission est maintenant terminée. Alain, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, Laura, et puis un grand merci à tous les auditeurs. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous reviendrez nous voir. Eh bien, je n'y manquerai pas et j'ai passé un très très agréable moment avec vous et votre équipe. J'en suis ravie. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde.